L'air, je t'ai pas salué, Ben. Des hommages, ce soir. Thank you. si on l'entendait, mais elle est vraiment loin, quoi. Est-ce que quelqu'un, il sait régler le délai de... qui est avec Reaper, là? Délai avec des presets, mais je sais pas comment on y arrive. Avec ta, je sais pas comment ça marche. Comment ça marche? Reset all. Voilà. Ah ouais, d'accord. Après les millisecondes. Pourquoi ça fait? Il y a ce chiffre à zéro, je me dis pas non plus. Par exemple, sur du tempo 80, il faut mettre quoi en millisecondes? Il faut mettre sur le même tempo. We'll be right back. si, la dernière note que je peux avoir. We'll be right back. Cette musique là. Non, on va pas encore faire cette chanson. avec le batteur. Ouais, voilà, il a le batteur, merde, je l'entendais plus. Alors, il faut combien de mesures là-dessus?